On l'a refait. Ah, yeah. Ah voilà. Bonjour auditeurs de Radio Game of Thrones. Comme tu l'as compris, hein, on est en direct. Voilà. Il y avait un petit souci technique. Bon, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Oui. Pas de panique. J'espère donc, auditeur, que tu es en pleine forme aujourd'hui, en ce lundi 20 juin. Est-ce que ça sentirait pas bon l'été? Ça y est, là, on y est. Presque. Ouais, il fait très, très chaud. Bon. Je suis Lia, je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son. Et je commencerai cette émission par cette phrase. La musique est un éternel langage universel qui, au-delà des origines, vous traverse le cœur. Voilà, il est maintenant pour moi temps d'accueillir mon invité du jour, Aïssat. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, merci, je vais très bien. Ah bah super, je suis ravie que tu sois aujourd'hui avec nous dans les studios de Radio Game of Thrones. Moi aussi, je suis ravie d'être ton invitée. Ah bah voilà, tu devais venir il y a quelques temps, mais j'avais attrapé le virus que tout le monde connaît. Coco. Le coco, Rico, non, c'est pas celui-là. Tu es déjà venue dans les studios de Radio Game of Thrones ? Oui, puis en plus, je connais pas mal de personnes qui sont dedans, qui gravitent autour, qui travaillent, etc. et tout. Donc c'est un petit peu comme à la maison. Hein. Ah ouais. Carrément. Les bouches, tout. J'espère qu'un jour tu viendras. Tu me disais que tu avais déjà travaillé un petit peu en radio. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était comment ? C'était la radio. C'était à Fadiette à Nancy. Eh oui, on les embrasse. Bisous, si jamais vous nous entendez. Et j'espère qu'un jour tu feras une émission ici. Bah écoute, hein, si tu m'invites, je viens. Une émission à toi, ça serait génial. Je suis sûre que tu as plein de choses vraiment très très intéressantes à nous dire. Alors Aïssat, tu es auteure, compositrice, interprète, née dans les Vosges de parents mauritaniens issus de la communauté, ouais je vais y arriver, communauté Peul d'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Si tu devais te présenter avec tes propres mots, Aïssat, ça donnerait quoi? Je dirais que je suis une Peul des Vosges du Sud, des Hautes-Vosges. Oui. Et je dirais aussi que bah voilà, je suis une fille couleur chocolat. Très jolie d'ailleurs, très très jolie. Alors je cite, bercée dans une Afrique vosgienne, tu te forges une identité qui te permet de chanter en Peul dans la forêt et en français sous l'arbre à palabre, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça illustre un peu ce côté un peu difficile quand tu as des origines un petit peu aux opposés parfois. Ouais. Se trouver, c'est pas évident, quoi. Et compte tenu du, on peut pas enlever ça de l'histoire. Et donc en fait, ben c'est un petit peu ça que j'explique, c'est-à-dire que on choisit pas l'endroit où on est, ça c'est bien connu. On n'est pas responsable non plus de l'endroit où on est, ni de sa couleur de peau, ni de son genre, etc., etc. Mais pourtant, c'est sur ça qu'on est souvent jugé de prime abord. Et donc, ben moi, c'est une manière de dire, voilà, je suis née ici, mais je suis aussi enracinée au Fouta, qui se situe en Mauritanie, sud mauritanien, et que je ne veux pas choisir, en fait, je ne veux pas choisir entre la Mauritanie et la France. Voilà, je suis une espèce d'hybride, comme beaucoup. Hein. Oui, il y a des moments un petit peu où on se charge dans sa vie, notamment je pense à l'enfance, l'adolescence, etc. Comment toi tu as fait justement pour trouver cette place ? Eh ben justement, alors c'est pas évident hein, de la trouver. Je sais pas si je l'ai vraiment encore trouvée. Disons que, en tout cas, moi j'exprime mon amour pour la France, la Mauritanie. Enfin, surtout quand je dis ça, c'est plus quelque chose même qui te dépasse, quoi. Tu sais pas pourquoi. Ça, c'est l'héritage. Et oui, c'est culturel. C'est en toi. Voilà. Donc, en fait, quand t'es en quête de toi-même, c'est sûr que ben, c'est pas évident. Surtout que ce sont des façons de vivre qui sont parfois presque opposées. Donc toi, comment tu fais pour trouver ta place? Donc ben, du coup, tu essaies de trouver un équilibre entre ton héritage culturel dont tu ne veux pas te séparer, mais qui peut des fois paraître lourd. Et puis tu composes une espèce de salade. Et puis bah voilà quoi, tu chantes en français. C'est génial. Et dans ta langue maternelle. C'est génial. Est-ce que tu dirais que la musique justement t'a aidé à travers toute cette quête de toi-même? Ah oui, la musique, les rencontres, le fait de vouloir aller voir l'autre. Moi, quand j'ai commencé là-dedans, je n'y connaissais absolument rien. C'est vraiment des amis que j'avais rencontrés, voilà, à la fac, qui m'ont tout appris, quoi. Moi vraiment, une vraie villageoise. Bon, fière de l'être. Et donc, depuis, bon, bah, bien sûr, j'ai appris des choses et tout, hein. Mais oui, je pense que la musique, la culture de manière générale, la culture plutôt, même les cultures, de manière générale, sont là pour justement essayer de décoder les codes culturels. Tout à fait. Alors, c'est ton père qui viendra s'installer au Tillot dans les années 70, il me semble. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette histoire? Alors, elle fait partie de l'histoire de millions de personnes qui, après voilà, des saisons hyper sèches en Afrique de l'Ouest, ont tout perdu quasiment, donc leur bétail... Voilà, les personnes aussi, les personnes fragiles aussi. Et donc, en fait, ça a conduit à ce que les gens aillent chercher d'autres moyens de subsistance. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, mon papa, il a bougé, comme d'autres. Et puis, ben, il est parti de sa région, de son endroit, à pied, avec plusieurs de ses compagnons. Et ils ont pris la route et ils ont traversé tout un tas de pays, d'endroits, ils ont rencontré aussi des gens, et puis ça fait aussi écho à ce côté-là du peul, quoi. Donc on est d'ethnie peul, et les peuls ils sont nomades, donc par essence, c'est-à-dire qu'on a cet héritage aussi de voyage, d'aller chercher bah, justement la subsistance ailleurs, et donc ils ont poursuivi leur route, et moi je trouve qu'on ne leur rend pas assez hommage, parce que voilà, moi, mon papa, c'est mon héros, mais dans cette société, il est quasiment invisible, quoi. Donc moi, ben, en fait, c'est ma manière un peu de rétablir une espèce de justice qui, moi, dans mon petit cœur, m'apaise, quoi. En mais parlant oui. d'eux, en essayant de continuer à marcher sur ses pas. Est-ce que tu en parles dans ta musique, de tout ça? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ok. Alors, est-ce que la musique a toujours eu une grande place dans ta famille, ou est-ce qu'au final c'est venu un petit peu plus tard? Alors, la musique en tant que telle et l'expression de manière générale, oui, ça a toujours été. J'étais baignée dedans parce que déjà mon papa c'était un poète. Et il faut savoir aussi que dans la culture peul, souvent, voilà, on peut. Sortir des mélodies comme ça juste pour s'exprimer, quoi. C'est dans la culture. Et en fait, ben moi, j'ai eu aussi cette chance d'avoir dans ma famille mes grands frères et mes grandes sœurs qui étaient voilà aussi dans le son. Et d'ailleurs, moi, j'ai une grande sœur qui a travaillé ici il y a des années. Ah, c'est une grande famille ici. Ouais, elle a travaillé ici. Et puis j'ai un frère aussi qui était aussi ben voilà dedans et qui proposait des spectacles au profit de pour lutter contre certaines maladies, etc. Donc en fait, moi, je pense que voilà quoi, j'étais dans le bouillon et ça m'a causé, on va dire. Est-ce que tu nous donnerais un petit cadeau là, un petit cadeau musical? Est-ce que tu nous ferais un petit son? Ouais, là, j'ai bien envie, ouais. On te laisse te préparer tranquillement, mais je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est déjà une bonne émission. Yeah, cool. Écoute, est-ce que tu veux une nouvelle? Ah bah avec plaisir, c'est toi qui offres le cadeau, tu donnes ce que tu veux. On prendra. Alors, moi, j'ai envie de vous offrir Woy Menyo. C'est un peu une petite complainte. C'est une nouvelle chanson qui vient de sortir. Hein. On peut la retrouver sur les réseaux si jamais ça vous branche, tout ça. Et en fait, c'est une chanson voilà, qui parle un petit peu de ce côté où je trouve qu'on est un peu trop dur envers nous-mêmes déjà, quoi. Tous un petit peu. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de douceur, qu'on s'aime un peu plus. Et je trouve que, bah, voilà, ça. Voilà, bon, bref, je la fais. Hein. holko adini woi menio woi menio balebe balebe balebe balebe balebe balebe balebe beaucoup, c'était incroyable, incroyable, plein de douceur, plein de waouh. Ça parle de quoi cette chanson? Tu nous disais la bienveillance, on est trop dur avec nous-mêmes. Oui, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus, en fait, comme j'ai eu la chance de voyager un peu et tout, voilà, plus on est foncé, plus on a la peau foncée, plus c'est compliqué. Et je remarque aussi que ben, entre nous aussi. On est super dur et donc je me plains, je me dis pauvre de nous, parce que en fait on a du mal, en fait on a du mal à s'aimer vraiment, quoi. Et je sais que bon, il y a tout un il y a aussi voilà un forçage, hein. Donc en fait c'est pas évident de s'aimer soi-même déjà, vu qu'il y a eu des freins et tout, mais c'était un constat que je faisais, parce que voilà, je trouvais qu'on était un petit peu sans pitié, quoi. Et je sais que bah voilà, en Mauritanie aussi c'est pas évident, c'est compliqué pour les Noirs, parce qu'il y a un racisme institutionnel qui empêche en fait vraiment les gens de pouvoir bah, s'épanouir et faire des choses et s'en sortir. Et donc du coup il y a voilà, il y a cet effet là, c'est-à-dire par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, voilà, beaucoup de personnes qui ont étudié, qui sont doctorants, qui voilà des spécialistes dans tout un tas de domaines, mais simplement du fait de leur couleur de peau, il y a des freins. Et je trouve ben voilà que pour les personnes à la peau foncée, ces freins là sont vraiment voilà, le câble est trop gros, quoi. Et du coup, entre nous aussi, on peut être un petit peu dur et voilà, se méfier encore plus. Mais en fait, ça peut aussi sortir du cadre. C'est vraiment humainement, je trouve que on est vraiment voilà, qu'on manque de douceur, qu'on manque d'amour, hein, tout simplement, parce que c'est pas ce que je dis là. Je veux dire, c'est tous les textes sacrés, les religions, voilà, tous ceux qui cherchent un petit peu la paix à l'intérieur, à l'extérieur, ben, en viendront au même constat. Je veux dire, il faut qu'on s'aime un peu, un minimum, quoi. Sinon, on peut pas avancer. Comment on fait pour s'aimer, Aïssat ? Bah, je pense que déjà, il faut s'autoriser à se poser des questions. Et puis, je pense aussi qu'il faut mettre sa peur de côté et puis accueillir l'autre tel qu'il est, quoi, en fait. Pas, bon, alors, je dis ça, c'est pas facile, hein. Mais au moins, ouvrir un petit peu son petit cœur pour oser discuter, poser des questions, même si, en fait, on nous a appris que, voilà, il y avait des questions qui se posaient et d'autres qui se posaient pas. Moi, je pense, au contraire, que s'il y a des questions que tu te poses, il faut oser les poser aux personnes concernées. Et je pense que c'est... Déjà, c'est plus honnête. Et en plus, si tu commences à t'adresser à l'autre en ouvrant ton petit cœur, tu commences déjà à l'aimer. Donc, tu vas avoir envie d'en connaître plus, je pense. Je sais pas. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, j'ai lu que tu chantais ce qui te dérange, ce qui t'attriste ou t'effraie. Quels sont justement les sujets dont tu aimes parler ? Qu'est-ce qui est important pour toi de chanter ? Quel message à travers ta musique ? Alors, c'est vrai que je tourne un petit peu en boucle depuis toutes ces années. Moi, c'est cette quête de paix à l'intérieur et à l'extérieur, comme je dis. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous un peu en quête. Je pense aussi, ben moi, c'est l'humain, en fait, qui me... je trouve ça fascinant, l'humain comme prototype. Et donc, du coup, en observant, et puis moi-même aussi, en partant de mon expérience, eh ben, en fait, il y a des choses que qui me touchent, en fait. Je pense, ben, justement, l'injustice, ça me touche, le fait aussi... de l'enfance, l'enfance, ce moment béni de l'enfance où je trouve que justement c'est de plus en plus compliqué de pouvoir préserver les enfants de tout ça, de toutes les sollicitations, alors qu'en fait c'est pour moi c'est vraiment un moment magique, béni dans le sens où il y a quelque chose qu'on recherche après une fois qu'on a grandi, et parfois dans les situations qu'on traverse, on peut être ramené à justement cette période bénie de l'enfance. Et je trouve que cette manière de voir le monde, de se questionner, de chercher à savoir, de connaître, cette curiosité enfantine et tout, moi ça me passionne, ça. Oui, et sans tout ce qu'on nous a appris après, au fur et à mesure, voilà, toutes les barrières qu'on nous a un petit peu mises, oui, dans la tête. L'éducation vient là, l'instruction, voilà. La pression sociale, tout ça. Il faut qu'on fasse la place à notre enfant quand même intérieur. Mais oui, il faut le laisser causer. Bien sûr. Donc voilà. On dit que la musique est une langue universelle. Est-ce que c'est pour ça que tu chantes en peul et en français, pour que ton message, peut-être, tu puisses en parler dans ces deux langues-là, c'est important? Oui, en fait, c'est dans le... Alors, ça fait sens pour moi, parce que le français, c'est la langue que j'ai appris à l'école. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivée à l'école, je parlais pas français. Et en fait, ça m'a traumatisée un peu. Oui. Parce qu'en fait, je comprenais pas, quoi. Et jusqu'à 8-9 ans, il y a des mots... que je reprenais de ma maman et tout, enfin, parce que avec son accent charmant, et que voilà, quoi, c'était pas vraiment ce mot-là, enfin, donc des petites choses comme ça qui m'ont fait comprendre, si tu veux, l'importance aussi d'apprendre cette langue, d'avoir cette langue en soi, parce que voilà, c'est une richesse de plus, et c'est la langue que j'ai appris, et du coup je sais m'exprimer avec cette langue là, je peux exprimer mes sentiments avec cette langue là. Et puis le peul, c'est mon héritage, la langue, ma langue maternelle, vraiment. Donc c'est quelque chose d'instinctif, j'ai baigné dedans, et donc c'est important pour moi aussi de pouvoir m'exprimer dedans, parce que justement on n'a pas forcément les moments où on peut parler en poulard, et donc pratiquer cette langue là parce que, comme disait mon papa, paix à son âme, quand une langue on la pratique pas, ben on la perd, et une langue c'est la colonne vertébrale d'un peuple. Donc nous les peuls, comme en fait sur le territoire c'est un peu compliqué, on n'a pas vraiment de territoire, on est un peu comme les Roms de l'Afrique. Donc en fait, nous vraiment, c'est notre attitude et notre langue. Voilà, c'est ça notre richesse, quoi. Donc c'était pour ça que c'était important pour moi que je puisse m'exprimer et en français et en poulard. Est-ce que tu évoques les mêmes sujets? Est-ce qu'il y a la même intensité lorsque justement tu chantes? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est parce que je pense, un petit peu schizo. On est tous, je te rassure. On a des facettes et tout, et évidemment, oui. De toute façon, déjà, dans le vocabulaire, la langue, la philosophie et tout ça, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent être un peu en contradiction. Donc, en fait, quand je parle en français, c'est la langue que j'ai apprise, et en même temps, c'est la langue que j'utilise aussi pour un petit peu boxer, quoi, on va dire, entre guillemets. J'ai plus de mal je me sers de cette langue-là que je maîtrise en fait pour faire passer le message et pour qu'il soit assez précis. Oui. Le poulard, c'est vraiment plus ça c'est l'héritage, et donc ça me dépasse un peu, et donc je suis plus dans le fait aussi pareil. Il y a des messages aussi que j'explique, hein. Par exemple dans la chanson que je viens de chanter, j'explique à un moment donné, bon, il faut arrêter un petit peu de se la raconter, tout ça sert à rien quand on est fauché comme les blés, comme dirait. Ça sert à rien d'en faire des tonnes. Je veux dire, soyons simples, quoi, parce qu'on est tous finalement, on joue tous un rôle, et moi c'est ça aussi qui me dérange quelque part. Donc je dénonce aussi en poulard, mais disons que c'est dans le lien que j'ai avec cette langue-là, c'est vraiment le lien maternel, quoi. Donc du coup c'est plus viscéral, c'est plus instinctif, c'est oui. plus mon héritage. Sans réfléchir, avec l'âme, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que tu nous en... Nous une autre? Bah oui. Ouais. Ok. Alors, je vais faire encore une autre, une nouvelle, qui s'appelle Djam. Parce que Djam, si tu veux, c'est la paix, dans ma langue. Ouais. Et comme je dis aux enfants, elle existe... le mot paix existe dans toutes les langues. Salam, salam, salam. Jam tan, wadido. Jam tan, do tam jungo. Jam tan, wadido. Jam tan, do tam jungo. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam. Jam tan, wanido. Jam tan, do tan jungo. Jam tan, wanido. Jam tan, do tan jungo. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do femme des Merci Aïssat. Incroyable, j'adore. tu nous donnes un paquet de bonnes vibes là aujourd'hui. Yeah, super, j'adore faire ça. Ben oui, j'imagine. J'ai l'impression que c'est un petit peu ta vision de la musique, de donner de la bonne vibes, partage de tout ça. Tu chantes parfois en français et en peul, les deux mélangés du coup. Voilà, comme je viens de faire. Voilà, c'est chouette. Ça arrive aussi, bah oui, parce que je pense que c'est le lien. Fruit de tout. Voilà, exactement. Et je pense que justement, nous, on est fait pour créer des passerelles entre ici, là-bas, décoder en fait, pour qu'on puisse mieux se comprendre, mieux se connaître. Voilà. Ouais. Alors, comment tu as appris la guitare, le chant? Est-ce que c'est de façon autodidacte? Quel artiste t'a inspiré pour commencer la musique? Alors, je pense, sans équivoque, la grande Tracy Chapman, vraiment, dont je suis fan. Et ça se sent, ça s'entend, hein, de toute façon. J'ai lu qu'il y avait vraiment un lien avec Tracy Chapman, qu'on pensait à Tracy Chapman quand on t'entend, que tu t'inscrivais dans la lignée, je lis ce que j'ai lu, d'Acha et de Tracy Chapman. Une fois que je t'ai entendu en live, je peux confirmer. Ah yeah, cool. Voilà. Bon, ben ça m'arrange bien. Parce que oui, donc voilà, après les autres influences, ben, il y a évidemment la Jamaïque, donc tous les artistes jamaïcains, bon, bien sûr, Marley, Tosh, voilà, tout ça, toute la culture un peu jamaïcaine de manière générale, et aussi, la variété française, bien française, que j'ai aussi mangée bien comme il faut quand j'étais petite, donc aussi je n'ai pas honte, mais pas du tout, je veux dire, ça fait aussi partie de ce patrimoine que je porte, et donc c'est toutes ces influences-là un petit peu mélangées, avec aussi du côté aussi de chez nous, donc du Fouta. Nous on a un artiste qu'on aime beaucoup, qui nous représente, on l'appelle Dinde Elenyul, ça veut dire la voix du peuple, qui s'appelle Bab Amal, et c'est un artiste sénégalais, mais il chante aussi en poulard, et il est aussi originaire de la région du Fouta, quoi, Sénégal, et donc en fait lui aussi il fait partie des personnes qui m'ont beaucoup influencé, parce que c'est lui, il est voilà quoi. Je comprends. C'est un papa. J'ai lu que tu avais donné plusieurs centaines de nombreux concerts, de nombreuses premières parties aussi, avec des grands artistes, Zazie, Swad Massi, Idir, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait de voir, de sentir sa carrière un petit peu évoluer comme ça, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, c'est vrai que surtout quand on n'imagine pas trop de carrière à proprement parler, moi j'ai eu la chance d'avoir sur ma route rencontré des personnes qui m'ont vraiment aidée à me former, voilà, à apprendre, et je trouve voilà, ça c'est une belle histoire. Et après rencontrer aussi des têtes d'affiches, etc., ça aussi on apprend, on échange, ça c'est, et puis au niveau des sensations, voilà, c'est extraordinaire, ça peut impressionner, et puis aussi et puis après moi j'ai quand même toujours essayé de garder le fait que voilà, c'est la scène, le monde, tout ça c'est quand même quelque chose qui est fabriqué, qui est fortement incité, donc je fais la différence en fait. Pour moi, je je joue devant je ne sais pas combien de personnes ou devant une personne, l'enjeu c'est la même chose, dans le sens où c'est pas forcément évidemment que si on m'applaudit, je suis contente, hein, je vais même faire le moonwalk sur le côté, je vais faire tout un tas de tricks, hein, je vais vraiment, voilà quoi, c'est comme le Red Bull. Mais disons que quand même, pour garder la tête froide, voilà, ça reste quelque chose de fabriqué, voilà, on met un piédestal, hein, la scène, on met la lumière directement dessus, donc à un moment donné, on attire l'attention. Donc bon, ça, voilà, c'est cool, mais j'ai toujours essayé de mettre ça un petit peu loin quand même pour pas, pour moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Jusqu'où faut-il aller, où ça parle un petit peu de ça, quoi. Où on est prêt à quoi pour justement avoir notre nom ou avoir cette palme ou avoir ce nom là, jusqu'où on est prêt à aller vraiment, parce que moi voilà, je suis pas prête à tout pour briller, hein, comme on dit. C'est pas trop mon, ça ne m'intéresse pas, ça, c'est pas mon truc, ça. Oui, moi c'est, enfin, je veux briller, bien sûr je veux briller, mais pas là, pas à tout prix, pas comme ça, pas non. Ouais. Tu dis que c'est pareil, c'est le même enjeu quand tu chantes devant une seule personne que devant plusieurs centaines, peut-être plus. Mm-hmm. Alors c'est quoi l'enjeu du coup quand tu chantes ? Alors c'est une mise à nu, parce que pour moi voilà, c'est l'âme qui s'exprime et qui prend justement la voix, mais tout ça c'est teinté de tout un tas de choses, quoi, qu'on peut pas dire mais qu'on peut ressentir. Donc c'est pour ça que c'est une mise à nu, parce que en fait moi je, quand je m'exprime, voilà, que je chante une chanson et tout ça, voilà, je m'applique, je et j'ai le trac, hein, je veux dire, là, regarde, j'ai transpiration acide et compagnie. Hein. Parce que c'est une mise à nu. Et en fait, c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est vrai. Il faut beaucoup de courage. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est la même Aïssat qui parle dans la vraie vie que celle qui monte sur scène ? Alors, autant que possible. C'est-à-dire qu'après, bon, c'est vrai, quand je monte sur la scène, hein, j'en profite évidemment. Surtout, voilà, si c'est mon nom qui est sur la fiche. Ah, bah, alors là, je prends mon temps, je ne perds pas une miette. Alors, je suis au taquet à fond les ballons, comme on dit. Mais en fait, voilà, quoi, je reste la même partout, hein. Partout où je vais, je suis comme je suis, quoi. Ben, t'as bien raison. Parfois, tu évoluais seule, parfois accompagnée sur scène. Mmh, mmh. T'as fait des collaborations avec quel artiste ? Qu'est-ce que ça procure ? Ben, déjà, on apprend. Et puis, ben, comme je disais, moi, j'ai commencé avec des personnes qui étaient déjà un petit peu dedans, qui étaient dans plusieurs formations, plusieurs groupes. Et donc, eux, ils m'ont appris comment répéter, comment aussi croire en son projet, le défendre. Et heureusement qu'ils étaient là, sinon je pense que moi je serais restée dans mon appart. Donc voilà, je leur dois beaucoup. Et puis après les collaborations, plus ou moins, j'ai toujours plus ou moins. Voilà, moi aussi je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est de rencontrer des artistes et des personnes en fait déjà et échanger, quoi. Donc du coup, j'ai pléthore de personnes que j'ai pu rencontrer dans mon petit parcours. Alors il y a des personnes qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas. Mais en tout cas, à chaque fois, ça a été un plaisir. Est-ce que c'est important pour toi d'être soutenue, la famille, les amis, toutes ces collaborations, ça t'a apporté un petit peu dans ta confiance en toi, dans ta musique ? Est-ce que c'est important ? Je pense que c'est super important, surtout dans ces domaines-là où, en fait, justement, on se met à nu et que, quelque part, on est déjà fragile de base. Donc, après, se mettre dans une position où on peut être encore plus fragilisé, je pense que, justement, collaborer avec d'autres personnes, ça permet aussi un petit peu de se situer, voilà, de se rassurer, et puis aussi peut-être de parler de certaines craintes, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'échange, dans tous les cas, l'échange, peu importe, peut être une leçon ou une bénédiction. Quelle est là où les rencontres qui ont vraiment marqué les choses dans ta vie musicale ? Si tu pouvais en nommer. Franchement, j'ai pas envie de... Moi, je pense qu'elles sont toutes importantes parce qu'elles m'ont toutes apporté. Et je pourrais pas... Choisir. Non, c'est impossible parce qu'en fait, tout s'imbrique dans les pages de mon livre, de ma life. Et qu'en fait, à chaque fois, les chapitres et tout ça, il n'y a pas un personnage que j'ai pas envie de... Et même si après, des fois, ça s'est bien passé, des fois un peu plus compliqué, hein, mais ça n'empêche pas que je ne peux effacer aucun. Et donc, j'estime aussi, je le remercie, et même ceux qui est en souffrance, hein, parce que j'estime que quelqu'un qui est méchant ou qui fait des trucs un peu bizarres, il est en souffrance. Je veux dire, même ceux-là, je les remercie parce qu'en fait, je ne serais pas celle que je suis sans tout ça. Donc, je ne peux pas. Toutes les rencontres que j'ai faites, elles sont importantes. Mais chaque personne que l'on rencontre, c'est un message qui nous est donné. Exactement. Voilà. Alors, tu as été lauréate de la SACEM en 2007. Tu as sorti en 2012 ton troisième album Mieux vaut en rire, puis un EP en 2015. Est-ce que tu as donné d'autres vies à d'autres projets ensuite? En fait, tout ça, ça s'inscrit, on va dire grosso modo, dans un projet un petit peu plus grand. Oui. Dans lequel, en fait, l'idée, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de créer des passerelles entre ici et là-bas. Oui. Et donc, en fait, moi, depuis 2013, j'ai réactivé mon asso qui s'appelle Chanson du Monde, et avec laquelle, voilà, on essaie de créer des petits instants où on peut se retrouver entre gens différents, tout type, tout style, et puis voilà, passer des moments, des bons moments, des souvenirs, et puis aussi à côté de ça, tout à côté un peu militant, engagé, pour justement venir. Ce que j'aime à dire aussi, c'est que moi j'aime bien rappeler un peu cet esprit de solidarité là pour un peu le stimuler, quoi. C'est-à-dire, on n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais avec ce qu'on a déjà, on peut faire un peu. Et donc, avec cette idée-là, on a des connexions un petit peu sur la planète avec des personnes avec lesquels on échange et on essaye de construire des choses, quoi. Oui. Alors, l'association Chansons du Monde, parce que t'es très modeste, moi j'ai lu de très très belles choses quand même, dont la vocation est de remettre au centre des préoccupations l'être humain dans sa complexité en proposant des événements et des actions culturelles de nature à valoriser la place que nous occupons tous dans notre société et dans le monde. Ça valait quand même le coup d'appui. C'est beau. Il y a aussi bientôt le départ, il me semble, de Tio Futa qui se prépare avec la caravane de la paix. On en parle tout de suite après un autre son. Ok. Ah. Lequel tu veux que je fasse? Celui qui te fait le plaisir. Je vais faire. Je sais pas. Alors celui-là, je vais faire celui-là. Fait longtemps. Les poches sont vides, on prend bien soin d'éviter le pire. Oh, il ne faudrait pas qu'on nous divise, la terre appartient à tous ceux qui y vivent. Mieux vaut rire que pleurer, mieux vaut rire que pleurer. Qu'on dévalise, rien ne vaut mieux que le bon vieux système D. Chacun sa affaire à faire ses affaires pour le mieux. Yeah. Merci Aïssat, incroyable. On devrait tous se mettre cette chanson avant de dormir, en berceuse. C'était très joli, j'adore ta musique et tous les messages que tu fais passer forcément. Yeah, c'est merci. Pour ça que tu es aujourd'hui avec moi, bien entendu. Alors, on parlait juste avant ce dernier morceau de la caravane de la paix. Yep. Alors, explique-nous tout ça. Alors, c'est un projet qui est pas facile à conduire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fonctionne que justement sur cette base-là de stimuler cet esprit, ce fameux esprit de solidarité. Donc, en fait, moi, j'invite les personnes qui veulent participer à cette caravane, le Tiofoot à Tours, à filer un coup de patte, à être là, voilà. Et donc, ça fait des années. Et on devait partir en 2019. On avait, voilà, tout était prêt. Et malheureusement, pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc là, on va partir. Là, je vais partir. Je vais partir. Et en fait, bah, l'idée, c'est de, au cours du parcours, à chaque rencontre, en échange de l'hospitalité, je ferai un concert. Et puis si on peut me donner un billet pour l'essence, parce que ça coûte un petit rein en ce moment, et ben je dis pas non. Et donc c'est ça. Ben en fait pareil, c'est en fait une manière de rendre hommage à ceux qui partent sans avoir forcément le choix, sans que ce soit vraiment quelque chose, voilà. Parce que je pense que ceux qui quittent leur foyer vraiment. Il y a quelque chose d'un petit peu tragique dedans, et du coup faut pouvoir se consoler. Les exilés, ils ont toujours un peu cette petite mélancolie, quoi. Et bon, après c'est pas une histoire de bien ou de mal, hein. C'est juste que ça, en fait, l'humanité a été traversée de ça, et moi c'est ma manière de rendre hommage encore une fois aux personnes comme mon papa qui sont parties de leur foyer pour offrir de meilleures chances à leur progéniture, hein. Et du coup, ben il y a, c'est quelque part, c'est comme un sacrifice. Et donc moi, je veux rendre hommage à ceux qui partent, à ceux qui migrent, à ceux qui marchent, à ceux qui vont d'un endroit à un autre, et aussi rappeler aussi que c'était important pour l'humain de considérer l'autre. C'est-à-dire l'autre, quand je dis l'autre, c'est vraiment l'étranger. Et dans toutes les contrées, je veux dire, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, il y a toujours eu une place pour l'étranger, quoi, pour celui qui passe, celui qui est de passage. Et on retrouve ça dans les contes, dans les histoires. Il y a toujours quelque chose, une pensée pour le voyageur, le passant qui passe, etc. Et donc, du coup, moi, c'est un peu joindre aussi l'utile à l'agréable, parce que c'est une manière aussi pour moi de militer. Parce que je suis une femme, je suis noire, je suis une saltimbanque. Et ça dérange, en fait. Et on me le fait bien comprendre. Donc, je me dis, j'existe, hein, je suis là, et c'est ma manière de crier au monde aussi que j'existe, quoi. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est la partie un peu perso que je dis. Et sinon, en fait, cette idée, c'est, tu vois, on a un beau camion. Oui, tu es venu avec. Ouais. Il y a un cœur, il me semble, dessus. Exactement. C'est pour lever une armée d'humour et d'amour. Wow. Parce qu'on se dit que, il faut rigoler. Hein, quand c'est un petit peu la misère, faut rigoler. Et donc, pareil, c'est encore une manière de joindre l'utile à l'agréable et de rappeler justement que, oui, c'est vrai, il y a des côtés tragiques dans tout ça, mais rions un peu quand même aussi. Rions un peu et puis osons faire des choses. Hein. Moi, je veux dire, on dit que j'étais folle, que on a tout dit, et c'est peut-être, et c'est vrai, oui, c'est vrai d'ailleurs. La folie douce. Mais il en faut. Il en faut. Donc, je remplis mon rôle. Et l'idée, après, plus sérieusement, c'est que c'est une ancienne ambulance militaire qui va vivre sa vie au village et qui va permettre. Le projet, c'est de le customiser pour que on puisse avoir des consultations possibles dans le camion, et aussi des soins. Et des soins, tu vois, les soins un peu faciles à faire, une petite unité mobile de santé qu'on aimerait bien créer. D'accord. À partir de ce camion-là. Ok. Il y avait une histoire d'apporter des fournitures aussi en Mauritanie. Est-ce que c'est encore d'actualité? Exactement. Oui. D'ailleurs, ça fait partie de tout ça. Alors, c'est vrai que moi, j'en parle un petit peu, C'est pas, comment je pourrais expliquer ça, c'est comme un arbre en fait, donc c'est des branches, je le vois plus comme ça. Et donc comme c'est un beau camion, il y a un gros camion rehaussé et rallongé, il a de la place. Et du coup, comme ben, on a récolté tout un tas de choses, voilà, à droite, à gauche, donc des vêtements, des jeux, des jouets, des livres, du petit matériel de puériculture, etc. Et donc, y a une partie que je vais emmener pour distribuer à des assos aussi qui font des choses extraordinaires. D'ailleurs, je pense pas qu'elles vont nous écouter, mais je fais un gros coucou à l'association Marmite du Partage à Nouakchott, qui s'occupe de Marmite du Partage, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Et puis une autre asso aussi qui s'appelle Alcaé, qui s'occupe des enfants orphelins, et donc qui leur offre de l'amour, de l'attention et aussi un refuge. Donc ces associations là, moi elles m'ont bon, déjà les personnes qui sont à l'initiative de ces assos là sont des personnes que j'estime beaucoup, ce sont aussi des artistes mauritaniens, et donc moi c'est une manière pour moi de les encourager, parce que c'est pas évident au quotidien d'être militant et d'essayer de quand même s'exprimer artistiquement. Et je sais de quoi je parle puisque je suis un petit peu dedans tout aussi, voilà, je suis une collègue, donc c'est ma manière un petit peu de créer ces passerelles justement. Et puis si par la même occasion on peut un peu parler de la Mauritanie, parce que je trouve qu'on méconnaît quand même fortement ce pays, je me dis que c'est pas plus mal, quoi. Voilà, moi j'aime bien faire d'une pierre plein de coups. C'est bien. Comment est née cette idée? Il me semble que j'ai lu l'œuvre de ton papa. Ouais. Oui, parce qu'en fait, mon papa, lui, toute sa vie, déjà, il l'a dédié un petit peu aux autres. C'est pas quelqu'un qui pensait qu'à lui. C'est une personne très, très généreuse. Et donc, lui, avec ses moyens, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, moi, c'est le meilleur exemple que j'ai. Donc, j'essaie de marcher sur ses traces. Bon, alors, je suis très, très loin, très, très, très loin de cette personne, vraiment, c'était vraiment une personne, exceptionnelle, quoi. Donc c'est chaud, hein. Moi, voilà. Mais j'essaye de je le copie, quoi. Je le copie parce que c'est lui qui nous parle de paix. C'est lui qui nous a éduqués malgré l'hostilité, les insultes, etc. Il nous a toujours éduqués dans l'amour de l'autre. Donc, grâce à lui, on n'a jamais nourri de ressentiment à l'égard de gens qui nous maltraitaient et tout. Et en fait, ça nous a donné une force, quoi. Donc, je l'admire. Voilà, je marche sur ses traces. Et lui aussi, il a créé des choses avec ses compagnons dans son village. Un petit endroit pour le soin, pour aussi l'éducation. Il avait aussi créé des sanitaires. Ils ont aussi bâti une mosquée. Donc, voilà. Moi, c'est mon meilleur exemple, mon papou. Donc, j'essaie de faire pareil. Mais oui, oui. Avant d'entamer la toute dernière partie de cette émission, il nous reste encore quelques minutes, je propose d'écouter un son de Tracy Chapman. Oh yeah, cool! Talking about a revolution. Ouais. Alors, je ne sais pas parler en anglais, hein, toujours pas, mais je pense que tu as compris. C'est déjà ça. J'ai capté. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people we're gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution. Ooh, while they're standing in the welfare line, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Voilà pour ce petit morceau de Tracy Chapman. Ça fait toujours plaisir d'entendre Tracy Chapman. Mmh. J'étais ravie de faire cette émission avec toi, Aïssat. Alors, on n'a pas encore fini. Il nous reste encore quelques minutes et on va en profiter, bien entendu. Alors, pour ce Foot à Tour 2022, il existe une cagnotte si on veut, voilà, donner un petit coup de main. Tu me parlais du transport, voilà, du fait qu'il faille traverser entre Marseille et Alger, hein, c'est Tanger, ça? Tanger, pardon. Ouais. Oui, ça, t'aurais pu, hein. Ça coûte cher. Mmh. Tu laisses le camion sur place pour que ça serve un petit peu d'unité de soins là-bas. Donc il faut que tu rentres aussi. Et puis il y a plein de frais annexes. Hein. C'est sûr, quand on entame un gros voyage comme ça, c'est compliqué. Donc une cagnotte Litchi. Oui. Qu'on peut retrouver sur mes réseaux. Donc mais là je l'ai mis. Alors c'est vrai que je suis pas super fortiche en tout ça, mais je l'ai mis. En fait, si tu vas sur Insta. Oui. Tu vas voir, tu es au Foot à Tour 2022. Super. On essaiera de trouver le lien Litchi qu'on mettra avec le podcast de cette émission pour que les gens puissent tout de suite cliquer dessus. Yes. Merci d'avance d'ailleurs. Mais avec grand plaisir. Et puis oui, on remercie les auditeurs. C'est vrai, tu étais en concert à l'ICOP en avril dernier. Oui. Demain, c'est le grand jour de la fête de la musique. Est-ce que tu vas un petit peu faire la fête pour fêter ça, même si on n'a pas besoin de cette fête pour fêter la musique, hein, c'est sûr. Mais est-ce que tu te produiras? Bah, je sais pas trop. Je pense pas, parce qu'en fait, depuis une paire d'années, les fêtes de la ZIC, j'aime bien les fêter, voilà, dans des endroits un petit peu insolites ou alors où on nous attend pas. Et puis cette année, bah, en fait, comme je suis dans la préparation du voyage et que là, je rentre, voilà, j'ai fait pas mal de kilomètres en peu de temps, bah, je vais peut-être me reposer. Peut-être aller justement, à mon tour, écouter un peu, voilà, et puis pourquoi pas pousser la chansonnette, hein, je ne dis pas, à l'abri de, voilà, mais en tout cas, pas de concert d'organiser prévu pour l'instant. Écouter, ouais. Ok, tu seras peut-être présent avec l'équipe de Mousse autour de Sinsemilia, ça se passe demain. C'est quand? Demain. Ah, c'est demain? Oui. Ah, bah voilà. Voilà. Bah, je pense que je vais aller faire. Au Champ de Mars. Écouter, voilà, à partir de 18h. Je vais aller écouter Sinsemilia, certainement. Tu pars avec le Foot à Tour le 8 juillet, tu invites les gens à venir te faire un petit coucou. Voilà, c'est ça. Si jamais ça vous branche, de me dire au revoir. C'est génial, ça. Hein, vous venez dans mon quartier, comme ça, vous m'accompagnez un peu, c'est très joli, c'est beau. Et puis... C'est au Tio? Ouais, au Tio. Ok. Rue du Corfranc-Pommier. 80-160, le Tio Fouta. Quand tu fais des concerts, on peut aussi acheter tes albums. Ça sert aussi à tous tes projets. Oui, voilà, ça finance absolument tous les projets. Donc tous les sous-là vont dans l'asso et dans la réalisation des choses. Alors brièvement, ce qu'on a déjà fait avec l'asso, on a déjà fait des connexions, on est parti, on a été rencontrer des artistes en Jamaïque, on les a mis en connexion avec aussi des artistes mauritaniens. Enfin, c'est en cours. Et puis en Mauritanie, on a, voilà, on a fait une tournée en Mauritanie, au Sénégal, et on a pu voilà faire des, voilà, distribuer des, enfin, faire des petites bricoles un peu sympas, et bien sûr des concerts. Super. Voilà, et on continue, il faut qu'on, et ici aussi d'ailleurs on fait aussi des choses ici, voilà, tout ça pour stimuler l'esprit de solidarité, tout ça quoi. Super. C'est quoi ton grand rêve, Aïssat? Oh, mon rêve, c'est que les gosses qui arrivent là, et nous-mêmes, on soit armés pour affronter en fait les choses, quoi. Parce que mon rêve à moi, c'est qu'il y ait de la justice. Mais je sais que la justice dans ce bas monde, elle sera toujours d'un côté ou de l'autre. Donc, mon rêve à moi, c'est de pouvoir avoir la paix, que chacun, chacune puisse trouver la paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et que la nature, eh ben, elle nous pardonne, et qu'elle nous aide à nous transformer pour justement qu'on apprenne à la respecter encore mieux. Voilà, s'il y a un rêve que je pourrais formuler, peut-être c'est ça. Super, c'est beau. Merci. Alors, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver tes dates, tes actions, tout ça. Parce que j'essaye de partager au maximum. Après, des fois j'ai le temps, des fois non, parce que soit je conduis, soit machin. On peut pas tout faire. Hein. Mais le courrier, en tout cas. Donc en plus, c'est bien si vous allez liker, cliquer et tout, c'est bon pour mes affaires, ça. Donc allez-y. Est-ce que tu as des grands projets à venir là, ou des petits, ou déjà le foot à Tours, c'est déjà bien, hein? Oui, parce que tout ça, ça s'inscrit dans le cadre d'un projet de création d'un centre artistique avec plusieurs pôles. Donc c'est un assez gros truc qui demande beaucoup de moyens. Donc en fait, petit à petit, là on est sur le pôle santé avec cette camionnette, et donc après, bah, le gros projet après, la suite, c'est d'inviter les copains et copines qui le veulent à venir avec moi en Mauritanie. Comme génial. Ça ils découvrent la Mauritanie, et moi avec les jeunes sur place, on aménage le camion pour qu'il puisse être opérationnel. Donc ça sera on aimerait bien que ça se fasse pendant les vacances de Noël. Super, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. J'étais ravie que tu sois avec nous aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo, dans l'odeur du son. C'était un très très grand plaisir. J'espère bientôt te revoir, et que tous tes beaux projets se concrétiseront, que tu arriveras à envoyer ce message de paix et de solidarité encore très très loin. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, Aïssat? Écoute, je sais pas ce que tu te souhaites à toi. En tout cas, moi, je suis heureuse aussi. Merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'avoir participé à ça. Et puis, je nous souhaite le meilleur. Le meilleur. Allez. Le meilleur, être en bonne santé, être bien entourée. C'est ça. Cette émission sera rediffusée jeudi à midi, même heure, même endroit. Elle sera podcastée sur nos réseaux sociaux dès demain, c'est certain. En attendant, auditeurs, je te laisse avec la suite des programmes. Et puis, c'est comme tous les jours. Hein. Prends bien soin de toi et prends soin des autres. Allez, kiss.